quelque chose d'original, voir de nouvelles choses, quitte à finir marginal. Moi je veux pas être comme les autres et leur conduite machinale, car n'être qu'un pion dans la société, je m'imagine mal. Conscient que dans ce monde je ne trouverai pas ma place, je suis persuadé que mon avenir se jouera à pile ou face. J'espère seulement qu'avec le temps les regrets s'effacent. Je voudrais tellement ci ou ça, mais comment veux-tu que je fasse? Inquiet de mon futur, que je n'ai pas tracé de mon sentier. Je ne sais même pas si ma route ne fait que commencer, ou je suis déjà rendu à moitié. Comment veux-tu que le bonheur soit entier? Et en plus, pas qu'en chemin, le courage m'a licencié. Dans ces conditions, je me pose de plus en plus de questions. Mais le nombre de réponses n'a pas retenu mon attention. Je ne sais pas ce que je cherche, j'ai vu juste les tensions. On est tous frères et dans ce globe, nous vivons tous ensemble en colocation. Envie de prendre une feuille, un stylo, je veux raconter mes choix, mes peines avec des mots. C'est un peu comme si j'étais au large tout seul sur un îlot. J'ai perdu tous mes mots, j'utilise de l'encre par kilo. Ouais, envie de prendre une feuille, un stylo, je veux raconter mes choix, mes peines avec des mots. C'est un peu comme si j'étais au large tout seul sur un îlot. J'ai perdu tous mes mots, j'utilise de l'encre par kilo. Ouais, je les jure, pas c'est plus me dit que j'ai besoin d'un vrai changement. Mais j'ai la sensation que mon cœur n'aime pas le dérangement. Va falloir trouver un compromis ou tu, du moins un arrangement. Je veux que ma vie sans s'en faire non plus un déménagement. Moi je veux sûrement pas vivre dans l'ombre, dans l'attente d'un événement qui viendra pas. Dans ce monde de rapage, j'ai pas ma place, mon espace. J'ai un skate dans comme mes choses se passent. Je prends ma plume, je me dépasse. Mes lyrics me déplacent. Rien à foutre que mon rap soit pas la classe. Avec ma folie, c'est ma feuille, j'écris des rimes jolies. Mes phrases, je les lis, je les relis, je les apprécie. Tu m'écoutes ici, je laisse la place à mon récit. Tu comprends, je te remercie, ça prouve que mon message est précis. Je place une à tous ceux qui me soutiennent ou qui m'inspirent. Ma famille, mes cassos, j'oublierai jamais tous nos délires. À tous mes potes et mes connaissances qui m'encouragent à écrire. Je voulais juste vous dire que je suis sentimental à en mourir. Envie de prendre une feuille, un stylo, je veux raconter mes choix, mes peines avec des mots. C'est un peu comme si j'étais au large tout seul sur un îlot. J'ai perdu tous mes mots, j'utilise de l'encre par kilo. Ouais, envie de prendre une feuille, un stylo, je veux raconter mes choix, mes peines avec des mots. C'est un peu comme si j'étais au large tout seul sur un îlot. J'ai perdu tous mes mots, j'utilise de l'encre par kilo. Ouais, troisième couplet, l'inspiration est toujours là. Je me laisse guider par mes envies, par mon cœur, par mes idées. Tu sais, avant de prendre la plume, j'ai longtemps hésité. Car dans quelques années, tous mes textes seront ridés. Alors j'écris le matin, le midi ou le soir. Je raconte des histoires et ça soigne mon désespoir. Mon cahier le soir, ça va que malgré tout, je veux y croire. Car même dans l'obscurité, moi je ne vois pas que le noir. Attention, j'ai jamais dit que j'ai des leçons à donner. Et si je rappe, c'est pas non plus parce que je veux me faire pardonner. J'écris, c'est ce que je pense, et mes cris y'a qu'un sens. Cette phrase, j'ai tellement dit qu'à force, je suis sûr que tu la connais. Voilà, cette fois, je suis content, j'ai réussi à tout dire. Je pose ma plume et laisse échapper un grand soupir. C'est lire mon en solo pour le meilleur et pour le pire. Attends, j'ai l'oubli, va dire au passé que malgré tout, j'ai un avenir. Envie de prendre une feuille, un stylo, je veux raconter mes choix, mes peines avec des mots. C'est un peu comme si j'étais au large tout seul sur un îlot. J'ai perdu tous mes mots, j'utilise de l'encre par kilo. Ouais, envie de prendre une feuille, un stylo, je veux raconter mes choix, mes peines avec des mots. C'est un peu comme si j'étais au large tout seul sur un îlot. J'ai perdu tous mes mots, j'utilise de l'encre par kilo. Ouais, envie de prendre une feuille, un stylo, je veux raconter mes choix, mes peines avec des mots. Avec des mots, comme si j'étais au large tout seul sur un îlot. J'ai perdu tous mes mots, j'utilise de l'encre par kilo. Pas kilo. Envie de prendre une feuille, un stylo, je veux raconter mes joies, mes peines avec des mots. Avec c'est des mots, comme si j'étais au large tout seul sur un îlot. Sur un îlot, perdu tous mes mots, j'utilise de l'encre par kilo. Par kilo. Hier mot. Juste envie de changer d'air. Juste envie.